sur le chemin de Damas, dans une grande lumière, Jésus est venu prendre place. Il n'a pas fait de manière, et me voici tombé par terre. Je ne voyais plus le monde, j'avais beau regarder en l'air, j'étais seul dans la pénombre. Quand soudain j'entendis la voix de Jésus, le Fils du Père, je compris qu'il était le roi et il guérit ma colère. Moi, Paul, apôtre des nations, j'ai traversé tant de villes, je l'ai servi avec passion, moi qui suis pourtant fragile. J'ai tant écrit et enseigné, j'ai travaillé dans la peine. Quand ma course s'est arrêtée, je n'étais plus dans la haine. Avec l'Esprit Saint qui donne vie, allez porter la nouvelle. Il est vivant, lui le Messie. Soyez comme une étincelle. Ouvre mon cœur pour que ma lumière.